Chapitre 46e. Clémence était loin de s'attendre à une pareille résolution, mais bien vite elle se remit, et prenant la main du marquis, elle la lui baisa passionnément. « Comme tu m'aimes, » s'écria-t-elle, « jamais je ne serai digne de toi. Me sacrifier ta fille, oh Arthur. Ce n'est pas la sacrifier que de la donner à Louis, qui, je crois, sera pour elle un excellent mari. Je le crois aussi, mais elle est si jeune encore. Ce n'est qu'une enfant. Personne ne le sait mieux que moi. Un mariage accompli dans ces conditions n'est-il pas dangereux sous tous les rapports? Comment cela ? » dit-il effrayé, car ses paroles répondaient trop à ses propres inquiétudes pour qu'il n'en fût pas touché. « Si elle devenait mère tout de suite, » continua Clémence, « aurait-elle la force d'avoir un enfant ? Ah, s'il vous ressemblait, s'il était vigoureuse comme vous. Il me semble cependant que par plusieurs côtés elle tient de moi, peut-être. Mais la vérité m'oblige à dire, malgré toute l'envie que j'aurais de vous être agréable, que je n'en vois aucun par où elle soit votre fille. A-t-elle votre taille ? Elle est femme. Je fais entrer en compte la différence de sexe et aussi la jeunesse, mais, cela admis, je cherche ce qu'elle a en vous, et je ne trouve rien, ce qui s'appelle à rien. A-t-elle votre vigueur de santé ? A-t-elle votre tempérament sanguin ? Elle est blonde, vous êtes noire. Elle est blanche, vous êtes brun. A-t-elle vos yeux seulement ? Mais qui n'a jamais eu ces yeux ardents et caressants dans lesquels la force se marie si bien à la douceur ? Je n'ai jamais vu sa mère, mais il est probable que Denise tient d'elle. Vous êtes un enfant des forêts. Denise est une Parisienne. La précocité des Parisiennes est souvent trompeuse. Mais alors ? Alors j'ai peur pour Denise. Mais il n'y a pas que ce côté de la question qui m'épouvante. Il y en a un autre, non moins grave. Monsieur Louis aime-t-il Denise ? Et Denise aime-t-elle son cousin ? Faut-il dire son cousin ? Mais sans doute. Mon intention est, avant le mariage, de la reconnaître pour ma fille. Je ne sais si cela peut se faire, mais je consulterai Louis à ce sujet. Ce ne sera pas Denise Lajolais qui l'épousera, mais Denise de Rudemont, par conséquent sa cousine. Clémence ne broncha pas, et de sa même voix douce, elle continua. S'aiment-ils véritablement ? La grande question est là. Ou bien sont-ils simplement attirés l'un vers l'autre par leur jeunesse ? Vous m'aviez dit que nous devions prendre des précautions. Vous soupçonniez donc qu'il devait exister entre eux un sentiment tendre, car vous n'êtes pas femme à parler à la légère. Ce sentiment est-il un amour véritable et profond ? C'est là ce que je demande, et ce que vous avez grand intérêt à savoir pour l'avenir de ces deux enfants. S'ils s'aiment, mariez-les. Ils auront de longues années pour être heureux. Mais s'ils ne s'aiment point, et s'ils n'éprouvent l'un pour l'autre qu'un caprice, il est bien grave de les marier alors qu'ils sont si jeunes. Combien d'années longues et terribles pour être malheureux ? Ainsi vous trouvez ce projet mauvais. Excellent, au contraire, et le meilleur qui se puisse présenter dans notre situation. Denise suit son mari. Madame Méraud va naturellement vivre près de son fils et de sa bru, et je la remplace ostensiblement au château. Ainsi, les convenances sont observées en apparence, et ma présence ici a une explication suffisante pour tout le monde, même pour le capitaine. Seulement ce projet qui nous assure de beaux jours, et que je vous serai éternellement reconnaissant d'avoir inventé, ce projet ne doit pas être précipité dans son exécution, ou bien alors nous sacrifions Denise à notre amour, et cela je ne l'accepterai jamais. Je ne le veux pas plus que vous, j'en suis certaine. Aussi je ne le comprends que si nous avons la certitude bien évidente que M. Louis aime sincèrement Denise. Je puis l'interroger. Toujours le même, généreux, incapable de calcul bas, vous jugez les autres d'après vous. Assurément, je crois que M. Méraud est un galant homme, plein de droiture et d'honnêteté. Mais si droit et si honnête qu'on soit, on peut se laisser éblouir quand on se trouve tout à coup en face de quelques millions. Et ce serait là le cas de M. Méraud, si vous l'interrogiez sur ses sentiments à l'égard de Denise. Ces millions pourraient jeter des feux sur ses sentiments, et de la meilleure foi du monde, il pourrait voir ceux si autres qu'ils ne sont en réalité plus puissants, par exemple. C'est ce qu'il faut éviter, de peur d'être entraîné dans des erreurs. D'un autre côté, je ne crois pas que vous puissiez interroger Denise. Quant à moi, je ne saurais comment provoquer cette confession. Cependant, si vous en voyez la possibilité, ce serait la voie la plus sûre, car Denise est incapable de dissimuler. Si vous vous sentez embarrassé, j'avoue que je serai encore plus mal à l'aise que vous pour entamer cette confidence. Il faut donc renoncer à cette idée. Alors il faut donc aussi renoncer à mon projet. Renoncer à un projet qui nous assure la liberté. Ah, certes non. Seulement il faut agir avec prudence, surtout avec patience. Et pendant le temps que nous donnerons à la patience, je comprends votre inquiétude. Mais vous avez trop fait pour moi dans cette circonstance pour que de mon côté je ne fasse pas beaucoup pour vous. Ces souffrances morales auxquelles j'étais exposé depuis quelque temps, je les supporterai encore par amitié pour Denise. Vous n'entendrez plus une plainte dans ma bouche. Vous ne verrez plus une larme dans mes yeux. La certitude d'arriver à un résultat assuré, et jusqu'à un certain point prochain, me donnera des forces. Nous gagnerons les vacances. Alors vous et moi, nous surveillerons de près Denise et M. Louis. Nous verrons ce qu'ils éprouvent réellement l'un pour l'autre. Et si leur amour est puissant, vous pourrez les marier. Aussi, nous aurons gagné quelques mois, qui pourront être salutaires pour Denise et d'un autre côté, nous aurons fait une épreuve qui donnera une pleine sécurité à votre conscience paternelle. Vous n'aurez pas marié votre fille, elle se sera mariée elle-même. C'est là, il me semble, un point capital pour vous. Seulement, pour que cela puisse s'accomplir comme nous l'arrangeons en ce moment, il faut que, d'ici les vacances, vous ne paraissiez pas encourager l'inclination réciproque que ces enfants peuvent avoir l'un pour l'autre. Assurément, il faut qu'ils soient pleinement libres. Et il faut en même temps qu'ils ne puissent pas soupçonner qu'ils auront votre consentement. Je ne ferai rien pour provoquer leur affection, me disiez-vous, lorsque nous avons parlé d'eux pour la première fois, mais d'un autre côté, je ne ferai rien non plus pour la prévenir. Il me semble que cette règle doit être maintenant pour vous plus rigoureuse que jamais, au moins pour moi. C'est à cette condition que je verrai sans remords se faire ce mariage. Tu es un ange, s'écria-t-il avec émotion. Je vous aime. Avant tout, je veux votre bonheur. Vous ne m'estimeriez pas si je sacrifiais la tranquillité de votre avenir aux satisfactions de l'heure présente. Un peu avant l'heure du déjeuner, elle descendit au salon, et comme elle n'avait rien à faire en attendant le moment de se mettre à table, elle joua machinalement avec un jeu de cartes qui était posé sur un guéridon. Puis, après avoir trié ses cartes et les avoir arrangées d'une façon en apparence distraite, elle les remit à leur place ordinaire. Tout cela se fit naturellement et sans que l'observateur le plus fin, s'il y en avait eu un en ce moment dans le salon, pût concevoir le plus léger soupçon. Quand elle s'éloigna pour aller se mettre à une fenêtre de l'esplanade, M. de Carquebus la remplaça devant le guéridon et tout naturellement aussi il leva le paquet de cartes. La carte qui se trouvait dessous était un 2. À 2 heures, M. de Carquebus se rendit dans le pavillon du tour du parc et quelques minutes après, Clémence va l'y rejoindre. « Enfin, » dit-il d'un ton de mauvaise humeur en la voyant arriver, « j'ai cru que vous ne vous décideriez jamais à me faire ce signal. Vous moquez-vous de moi, de me l'avoir fait attendre pendant 8 jours, quand je vous adore ?»« C'est ainsi que vous me recevez ?» dit-elle froidement. « Au revoir. » Elle se dirigea vers la porte. Vivement, il courut après elle. Mais du bout de la main, elle l'arrêta. « Parlons, » dit-elle, « et écoutez-moi sérieusement. C'est pour parler que vous me donnez rendez-vous ici. » C'est pour vous faire part du mariage de Denise avec votre neveu, M. Louis Mérot. Il égrena un chapelet de jurons. Le mariage aura lieu, continua-t-elle, quand le marquis aura reconnu Denise pour sa fille. Au moins, c'est ce qu'il m'a annoncé ce matin. Et vous dites cela ainsi, s'écria-t-il. Le mari à Louis, la reconnaître pour sa fille, mille tonnerres. Et les jurons continuèrent à ronfler, tandis qu'il arpentait le pavillon à grands pas. Monsieur de Carquebus, dit-elle en se plantant devant lui. « Avez-vous remarqué que les jurons sortissent quelquefois les gens d'embarras ?»« Vous êtes magnifique, vous, avec votre calme. On voit bien qu'il ne s'agit pas de votre fortune. »« Vous ne devez donc plus la partager avec moi ?»« Pas de plaisanterie, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le moment de faire de l'esprit. »« Avec vous, ce n'est jamais le moment. »« C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous êtes un homme pressé, passionné, si vous aimez mieux. »« Aussi, je vous assure que je parle sérieusement. »« Oui ou non ? Êtes-vous dans l'intention de partager avec moi votre fortune ?» Si vous empêchez le mariage de cette fille de comédienne et de mon gredin de neveu, oui. C'est ainsi que je l'entends. Vous ne vous donnez pas, vous vous vendez. Je comprends cela quand on est M. Artème de Carquebus. Vous savez bien que je vous adore. Nous verrons jusqu'où va cette adoration, car je crois pouvoir vous mettre à même de la prouver. Vous pouvez empêcher ce mariage. Depuis que vous m'avez demandé mon concours, je n'ai rien dit. Mais j'ai agi, ou plus justement, j'ai fait agir, et aujourd'hui je sais où se trouve la preuve que Denise n'est point la fille du marquis. Vous avez cette preuve, mon cher ange ? Moi, non, mais je connais quelqu'un qui l'a. Qui ? Vous me faites mourir ? Une personne qui vous la cédera, je pense, seulement il est probable qu'il faudra la payer. Si c'est une preuve sérieuse, ce qui s'appelle une preuve, on pourra s'entendre. Eh bien ? Alors allez à Paris, rue Rossini, au bureau de la fortune publique. Et entendez-vous à ce sujet avec monsieur le capitaine Beaujonnier ? Votre mari ? Lui-même.